Ok, fugitif. J'ai jeté mon cartable pour écrire moi-même mes fables. La feuille posée sur la table, le stylo en main bien stable. Lâché des rimes de merde, j'en suis devenu incapable. Une vie un peu banale d'acier mon moral. Je danse le fer dans leur poitrine à tous ces cons qui me sucent la pine. C'est pour moi impossible de faire un futuring avec cool chienne, sale chienne. Change la chaîne, tu me fais de la peine. Détacher les chaînes, j'en suis devenu obligé pour sortir de ce monde du lot car ce monde n'a pas changé. Ok. Yeah. Ici, premier couplet. Gosse de riche, t'inquiète pour les docteurs de la rime. Incompréhensible, j'ai dénommé le psychiatre de la rime. De rien faire à l'école, ils se vantent. Au final, ils finissent avec un BEP vente. Je suis un mec sensible, appelle-moi rap cœur. Dans 10 ans, mon son, tu le connaîtras par cœur. Ok, on dit que mon flow est customisé chez Carouf. N'empêche qu'un rap de mec et j'ai, ça vous rend ouf. Marre des préjugés riches, et même parfois même jugés. Trop blanc, écoute ma biche. Ceux qui votent zik, moi aussi j'ai ma clique, mais je vis pas aux acédiques. Regardez Kenny West, pas besoin de dire wesh pour porter des pots de pêche. Fugitif, notre crew, actif dans le 7-8, passif dans le 9-3. Et bientôt à l'affiche avec le quiche. Bientôt un an d'âge, bientôt on tourne la page. Que des racolages pour faire passer un message. Hommage à Mike en personne, à quatre pattes sur le carrelage. Avec une meuf comme attelage. Peu de fautes de vocabulaire et de grammaire. Contente serait ma soeur si elle voyait ce que fait son frère. Alors qu'elle joue à Barbie et Ken, là-bas il se ken à coups d'armes nucléaires. Un rap sur le monde en général, soit tu suces, soit t'avales. Tellement tu te prostitues, ta cavité anale, pull ma lettre. Lille, quiche, yeah. Bienvenue dans mon monde, mon sang se propage sur toutes les zones. T'inquiète, je veux beaucoup plus que tous les pourris de ce monde. Mon flow pour les clashs et les hommes que comme une sonde. Crois-tu que pour survivre, on a besoin de toutes ces blondes. Des emmerdes à la James Bond, trop la haine à dégager qui fait que le caractère se fond. Trop haineux dans mon quartier, qu'il y en a plus d'un qui fait une rousse tombe. Fais parler de lyrisme, de charisme, de la rime. Une quiche coopère pour des millions de détenus qui riment. Un son piquant car quand Fadjo l'écoute il devient slim. Et qu'il équipe de France mon son pour son hymne. C'est tu que fugitif rock et séisme. Car elle ne survivra à NDB. Pas même ce putain de catholicisme. On contrôlera un punin de nos jours. Fais vite le 10, Sarko nous ramènera. C'est loin antiterroriste encore à le pénis que l'on épargnera. Car si tu crois au Christ tu sais bien qu'il veut tout sauf ça. Et je ne comprends pas pourquoi le destin peut s'acharner. Alors qu'on commençait à en profiter. Tu m'apprends la maladie d'un être cher plaidé. Si la religion existerait elle se serait manifestée. On n'aurait pas tous fini. Fatigué, baisé, solitaire, il faudra t'habituer. Car se présente devant toi un chemin sombre, que le métrage est limité. Mais dis-toi qu'il est préférable d'être seul que mal accompagné. Il faudra bien sûr de la force pour te relever. Mais j'apprécie le soutien des frères, ceux qui savent que ma vie est un enfer. Marqué de coups durs dans la barre d'une batte en fer. Je suis sûr à présent, j'ai repris la confiance de la pratique. Au rap c'est franc, au prouve plus que n'aime pas la branche. Je suis sûr maintenant, je répète car j'assume vraiment que si je crois. J'en m'aurais oublié, j'ai tué d'une balade portant. Rappel au camp, bien choquant pour les bien portants. Tu sais c'est le beau qui peuple pays, qui n'aimait que la France dans le temps, coup de crosse dans les dents. Appelle ça du rap violent, je suis un assassin. Moi détenu, très virulent, excelle dans mon talent. Écris ma haine, sans pour autant j'échange, sans pour autant m'échange. J'encule la culture française, celle pute de la Rafabian. Écoute, c'est le monde de la France en bas. Celle qui traîne sa colère en bas de chez toi. Et celle qui n'hésite pas à ouvrir sa gueule quand ça va pas. Celle qui n'accepte pas, des vieilles meufs s'invitent dans le pora. Et celle qui m'en calera, Camaro et les Mac Pokora. Mais surtout celle qui t'envoie un son dur de CLB qui kiffe ça. Ok, si Fugitif, y'a William dans le studio, maman.